savais pas que c'était si dur de venir au monde afin de naître, de s'envoler vers la couche, en pousser un cri parmi les fleurs et puis marcher. C'est pas facile, surtout avec une paire de couches, les gars pas facile ni la gueule à gauche, je m'attétine. Et puis l'école faut écouter, faut parler, s'éveiller, faire des machins avec la colle, pas faire pipi, sinon cogne. C'est des copains à la récré, porter son sac, passer son bac, penser, soigner son mac, défaire chez les vieux et rigoler. Yep. Et puis t'es grande, t'as bien compris, t'es diplômé ou décalé, t'as un métier, tu vas payer pour faire tourner la farande. Si t'as du bol, tu vas rouler dans une bagnole, tu vas raquer pour ton pétrole, pour tes bébés, pour t'assurer, pour ta télé. Yep. T'es tout noué, t'es tout bosselé, ton carburant est tout usé, mais t'as du bleu au fond des yeux, t'as des enfants, des petits enfants, des souvenirs plein les mirettes, des gestes graves et des sourires pour les amoureux belliqueux. Je savais pas que c'était si dur de venir au monde afin de naître, de s'envoler vers la couche, pousser un cri parmi les pleurs et puis marcher. C'est pas facile surtout avec une paire de couches, les regards parfois c'est ni la gueule à gueule, je m'attétine.